Yoki titele motona sapala Bwebe nebi yana jomala Fuhi mama ooo Monsieur Augustin Thor. Hey yoki titele motona sapala Bwebe nebi yana jomala Fuhi papa ooo Franck de Blaiseau. Dengai, nyan brab son dengai. Dengai, nyan brab son dengai. Dengai, nyan brab son dengai. À la télé, quand je vois des gens crier à l'aide, j'ai envie de leur dire, venez dans mon bled. Ta mère est galère, cela va de belle. La misère a eu le domicile sur nos terres. Elle est dans les plaintes de la jeunesse diplômée que graduellement le système va plomber. Elle est la compagne de nos agriculteurs qui ne profitent plus du fruit de leur labeur. Elle est dans les affaires dont on n'a plus que faire, dans la hargne de nos impôts suicidaires. La dèche est morale, psychologique, physique, elle est permanente et tyrannique. Hey, okay, bon amour, t'as pas bien, on gagne un ténaillé, adibo macho. Chez nous, on rêve de vivre bien mais mieux. Telles sont les suppliques qu'on adresse au bon Dieu. Mais les jours se suivent et se ressemblent. Et sans relâche, on garde les yeux privés vers le temple. La note est éternelle et sale. Et le système est scellé. Aucune fissure décelée. Une poignée de riches contrôle l'affaire. Tel Lucifer contrôlant son affaire. Ils tiennent à leurs avantages, en veulent davantage. Une cruauté digne d'un adage. Quand la loi est telle que la majorité crève de dalle, alors c'est la loi qui est illégale. La reine d'Inali. On dit que les habitants de l'enfer sont miséreux. Au Cameroun, ils se sont tirés comme chez eux. On vit les blêmes en job d'un à un niveau extrême. Les deux systèmes sont idem. Les vénards disent à chaque jour, ce fils à peine. Nous on dit encore il veille le jour de peine. Ventre affamé rend l'esprit chrétien. Au ventre plein d'être un peu crétin. Sa majesté et Baba Gustave. Moi c'est ma production. Hey, okay, mon amour, t'as pas vilain. Bon, qu'elle est là, eh, Annie Bojo. Selon les riches, bien nouveau la vie. Il se passe sur terre, à mon avis. Quand on galère, qu'on vit comme un chien, on se dit que la vie ne vaut rien. Quand la vraie galère te secoue, à mon tour tu peux n'aimer plus qu'un fou.